La deuxième réunion du conseil du Fonds Kim Il-sung, Kim Jong-il a eu lieu le 5 juin à Pyongyang en présence des membres du conseil. À la réunion, on a dressé le bilan des activités d'un an passé après la première réunion élargie du conseil et a proposé l'orientation des activités de l'avenir. Ensuite, on y a souligné d'organiser plus dynamiquement la propagande de la grandeur du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il, qui ont fait une grande contribution pour l'accomplissement de la cause d'émancipation du monde, et d'élargir les activités du Fonds. Le même jour, il y a eu la réunion générale des membres du Fonds Kim Il-sung, Kim Jong-il. On y a adopté une lettre à l'adresse du maréchal Kim Jong-un. Par ailleurs, le même jour, le conseil du Fonds Kim Il-sung, Kim Jong-il a offert le banquet pour les participants à la deuxième réunion du conseil du Fonds et à la réunion générale des membres du Fonds.